Le président burundais Pierre Nkurunziza a fait parvenir un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a félicité chaleureusement le maréchal Kim Jong-un pour l'anniversaire de la République populaire démocratique de Corée au nom du gouvernement et du peuple burundais et en son nom propre. Il a souhaité le développement continu des bonnes relations d'amitié entre son pays et la République populaire démocratique de Corée, conformément aux intérêts des deux peuples. Il a prié également paix et prospérité à la République populaire démocratique de Corée et formulé son hommage le plus sublime au maréchal Kim Jong-un.